Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini, au 418-276-2108. On va parler de l'NCA, de la NFL avec notre ami Hugues Fouché, tu sais, de notre lebitsnfl.com. Salut! Non, attends, David, il ne faut pas que tu dises le bitsnfl. Ok, c'est de la musique. On recommence. 5-4-3-2-1-0. On va parler de la NFL et de la NCA avec Hugues Fouché. Salut, Hugues! Salut, Denis, ça va bien? Ça va bien, Hugues, évidemment. On est en toi le plus jour de l'an. Je fais quelques podcasts pareils. Normalement, je ne devrais pas être en direct, mais je suis barré. Là. Hey, oui. Les gars, on va commencer par la NFL, après ça on va tomber dans la NCAA. Je me suis fait rire de moi cette semaine. Je suis pas beaucoup les Bills de Buffalo, ok? Mais j'ai vu le match entre les Bills et les Patriots et Josh Rosen a vraiment livré un match incroyable. Par contre, pas si d'accord avec moi, là. S'ils veulent le protéger et qu'ils connaissent une longue carrière, ils pourront pas courir de même tout le temps. Là. Ça c'est vrai. Tu sais, maintenant, là. Pourquoi Tom Brady est rendu à 44 ans et qui est encore là et il brille encore? C'est parce qu'ils l'ont protégé. Fait que, effectivement. T'sais, ils l'ont protégé et ils l'ont fait. Donc là, c'est ça. Fait que... ben, moi, je vais dire une chose sur Josh Allen là, aussi. C'est que c'est un corps qui, habituellement, tu sais, le mantra de Belichick, selon les journalistes sur le beat à Boston, ils disent toujours que ce qu'il disait à ses joueurs, c'est que rester à l'affût, il va toujours vous lancer deux ou trois ballons. La game va dépendre si vous les interceptez ou pas. Mais ça a toujours été un petit peu l'approche face à Josh Allen parce qu'effectivement, il essaie trop de faire des gros jeux. Il fait des erreurs. Il se met à risque en courant trop aussi. Mais pas dans ce match-là, il a vraiment joué un bon match, par exemple. Il a fait une seule erreur. Une. Ça a été. Il l'a lancé une que J.C. Jackson aurait pu intercepter, puis il l'a pas intercepté. Mais même à ça, tu sais, c'est une erreur dans tout le match. Le reste, je te dirais que je donnerais une méchante de bonne note. Je veux juste dire une chose sur ce match-là. Mac Jones a pris un petit beat-up là-dedans, mais honnêtement, si vous avez pas vu le botteur des Bills de Buffalo, vous vous rappelez pas de l'avoir vu, le botteur de dégagement. C'est parce qu'ils n'ont pas dégagé une seule fois dans le match. La défensive des Pats n'a pas été capable d'avoir un seul stop parce que Allen a joué un gros match. Mais la défensive a très mal joué. Donc, ils n'ont pas eu un seul stop. Les Bills ont eu 7 poussées offensives dans le match, 4 touchés, 2 placements. Et puis, les Pats ont réussi. La défense des Pats, elle a fait une seule bonne chose dans le match, c'est un stop, un goal line stance à la ligne de 2 verges en première demi. Donc, ils ont réussi une fois à les stopper parce qu'ils ont arrêté sur la ligne des buts. Et le reste, les Bills ont marqué des points à chaque fois, dont 4 touchés. Donc, écoute, tu peux pas gagner si ta défensive est aussi mauvaise que ça. Puis, ce que je veux dire, c'est que pour les Pats, ce qui est inquiétant, c'est que depuis le début de l'année, chaque fois que Bill Belichick colle les jeux, donc pendant la série de 7 victoires, la défensive a l'air d'une victoire de Super Bowl. Chaque fois qu'il décide de remettre ça à son fils Steve, la défensive a l'air des pires de la ligue ou à peu près. Okay. Et dimanche et le match d'avant, c'était Steve qui collait les jeux, c'était Steve qui s'occupait de la défense. Donc, je sais pas, Bill va devoir décider à un moment donné, est-ce que mon but, c'est-tu de former mon fils ou si c'est de gagner des matchs. Et si le but, c'est de gagner des matchs, il faut qu'ils reprennent la défensive en main. Sinon, ça va avoir l'air de ce que ça a eu l'air contre les Bills. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment, tu regardes pendant les matchs. Nous, c'est sûr qu'on n'est pas sur place, mais tu le vois quand c'est Steve qui coach, ça va pas. Quand c'est Bill qui coach, la défensive apparaît beaucoup mieux. Donc, et là, je comprends pas, c'est le plus gros match de l'année, puis c'était Steve qui s'occupait d'appeler les jeux, qui s'occupait de caler les défenses, puis c'était tout croche comme à chaque fois que c'est lui qui s'en occupe. C'est un jeune coach, ça veut pas dire qu'il sera pas bon dans le futur, mais c'est pas l'homme de la situation. Il s'appelle Belichick, il va bien avoir au moins une fois une chance à sa carrière. Puis l'année passée, c'était lui qui calait la défense. Puis l'année d'avant aussi, quand Brian Flores est parti. Donc, tu sais, il a fait du bon travail ces deux années-là. Il a pas juste fait des mauvaises choses, mais pour une raison ou pour une autre, cette année, ça marche pas. Donc, il faudrait que Bill prenne les choses beaucoup plus en main parce que avec un corps recru, tu gagneras pas de match si tu donnes 33 points à l'autre équipe. Puis ils se sont fait tirer dessus par les coachs aussi la partie d'avant. Alors là, il va falloir que... S'ils veulent avoir une chance de faire les séries, il va falloir qu'ils reprennent les choses en main rapidement. Il va falloir que Bill reprenne les choses en main rapidement sur sa défense et qu'on arrête là, de parce que ça ira pas. Là. Ils seront pas en série si ça continue comme ça. Ou peut-être parce qu'ils vont battre les Jaguars, le prochain adversaire. Mais ça va pas du côté des Bills, par contre. Ils semblent se replacer après un début de saison. Là, c'est un match qu'ils devaient gagner. Là, ils reprennent le contrôle entre les mains. Leur contrôle de destinée entre les mains. Ils ont bien joué. Ils ont joué un gros match, les Bills. On peut dire ce qu'on veut contre la défense, mais c'est, sincèrement, Danny, là, moi, c'est le meilleur match que j'ai vu probablement de Josh Allen parce qu'il n'a rien forcé. Il a été super discipliné. Honnêtement, là, si Josh Allen joue tout le temps comme ça, ce qu'on disait des Bills en début de saison, c'est-à-dire qu'il pourrait se rendre jusqu'au bout, je pense qu'ils ont une chance. OK, on va y aller. Si Allen joue comme ça. On va y aller avec également le match que j'ai. Les Dolphins de Miami sont-ils là pour être... c'est sûr qu'ils ont... Regardez leur statistique, 7 victoires. Leurs 7 victoires, c'est consécutif. C'était pas les gros adversaires, mais il fallait quand même les gagner, les matchs. Là. Oui. Tu sais, il faut quand même pas leur donner... Moi, du c'est des gros... Oui, mais les gars, c'est... faut pas les enlever. 7 victoires de fil, puis c'est ça. Oui. Oublie pas aussi que les Dolphins... s'ils gagnent le dernier match, vont avoir le bris d'égalité contre les Pats. Ouais. Alors, c'est puis je sais pas si les Pats gagnent. Par exemple, je pense que les Pats vont peut-être avoir le bris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a encore un scénario où les Dolphins pourraient dépasser les Patriots. Pas gagner la division, là, mais battre les Patriots, c'est pas impossible. Donc, puis t'as raison, Denis, ils gagnent des matchs serrés contre des mauvaises équipes, mais ils gagnent quand même ces matchs-là. Ils gagnent quand même. C'était peut-être le quatrième quart, mais ils gagnent pareil. Pour les enlever. L'équipe qui est vraiment décevante à destin ici, c'est Cards Arizona. Hey, on les voyait pratiquement au Super Bowl. Monsieur. On les voyait pratiquement au Super Bowl, puis là, c'est bon. Ça arrivera pas. Non. Ça arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe avec Kyler Murray? Il y a pas la seule raison. Le match à Détroit, la chaîne a débarqué, ça se peut-tu? Après le match à Détroit? Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je pense que j'ai plus l'impression. On sait que c'est un club qui est plein de talent, là. C'est pas ça le problème. Kingsbury est un bon coach, mais j'ai comme l'impression que, il y a quelque chose qui a débarqué dans ce match-là. On a senti, ils se sont pas présentés pour le match, puis il y a comme, tu sais, des fois, y a-tu des choses dans l'équipe qu'on sait pas? Y a-tu mais c'est sûr que cette équipe-là joue pas du bon football présentement. Moi, je les voyais aussi peut-être au Super... Je ne sais pas, tu sais, parce que des équipes d'expérience dans la NFC, c'est que je me disais ça va être dur pour eux. C'est une équipe qui sait pas encore comment gagner, mais ils ont tellement de talent, mais là, ça va pas du tout. Ils vont être en série, mais s'ils jouent comme ça, ils partent en première ronde. Ils traversent pas la première ronde. Regarde, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as noté également en fin de semaine? Ben, écoute, il y avait quand même une couple de bons matchs. Moi, j'ai noté que Washington, c'est vraiment terminé. Les Rams continuent. Écoute, j'ai noté que je ne sais pas quoi penser des Rams à ce stade-ci. Je suis pas encore, moi, dans le bandwagon des Rams, mais il a encore gagné contre une bonne équipe de Minnesota qui se battait pour sa vie. J'ai tendance à dire que écoute, je suis pas sûr, moi, que les Rams, ils ont pas une chance de se rendre jusqu'au bout, finalement. On les a écartés un petit peu rapidement. C'est une bonne équipe de football. Ils sont bien coachés. Moi, j'ai regardé que c'était une grosse victoire pour les Rams. J'ai regardé que Kansas City continue à jouer du gros football. Ils ont littéralement marché sur les Steelers. Ça m'étonne pas qu'ils aient battu les Steelers, là, mais 36 à 10 quand même, ça m'a impressionné parce que les Steelers, ils ont une chose, c'est qu'ils ont une bonne défense quand même. Et puis là, écoute, ils ont pas été capables. Donc, je te dirais, le portrait commence à se préciser un petit peu. On voit que les Chiefs sont en train de reprendre le contrôle de la AFC. Puis comme on pensait en début d'année à ce stade-ci, je te dirais que les Bills pourraient être peut-être être ceux qui vont les mettre en danger. Je trouve que les Ravens, sincèrement, là, ils se sont fait massacrer par par Cincinnati. Les Bengals, en passant, ça va bien. Ça, c'est un match que beaucoup noté. Cincinnati, hein, 500 verges. Oui, 500 verges pour Joe Burrow. Il était impressionnant, mais pendant le match, je constatais que les Ravens restaient dans le match quand même. Mais pendant, ils ont resté dans le match longtemps, mais les Ravens ont tellement blessé Danny que, y compris leur corps partant, Lamar Jackson, blessé puis COVID. Mais ben, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont perdu à peu près tout ce qu'il y avait comme running back en début de saison. Okay. Ils ont beaucoup de blessés. Lamar Jackson n'est même pas là. Ils jouent avec leur troisième quart arrière. Puis, écoute, ils se battent quand même. Et moi, je te dirais que si les Ravens gagnaient leur division, je considérerais quasiment John Harbaugh un candidat de coach de l'année à cause de tous les malheurs qui se sont abattus sur son équipe. Il faut vraiment être un bon coach pour qu'une équipe s'effondre pas avec toutes les blessures qu'ils ont eues depuis le début de l'année. Là. OK. Justement, on va faire une pause. C'est le temps des fêtes et on va parler de la NCAA. Les gros bowls commencent sont déjà commencés. Donc vous écoutez en cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard Panoramique à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement, vient l'inspiration. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-1316. On est de retour avec Hugues Fouché. Hugues, on va parler des gros bowls. Là, c'est l'entrée en scène des grosses équipes. Là. Houston, actuellement, je connais ce podcast, c'est dans le Birmingham Bowl affronte Auburn. T'as également ce soir North Carolina State à Fox. T'as également demain Clemson 19e. Oui. Et le match à voir, je pense, avant les éliminatoires, parce que je pense qu'on va se reparler vendredi. Là. C'est demain soir entre le match qui va opposer Oregon et Oregon State, c'est ça? Oregon et Oklahoma. Oui, ça, c'est deux équipes qui auraient très bien pu se retrouver en série. Hein. Ouais. Oregon donc, était c'est le match en série. À voir, d'ici demain soir. C'est le match à voir. Gros bowl, oui. Oregon était en série avant de perdre deux fois contre Utah. Puis Oklahoma, effectivement, on s'attendait à les voir aller jusqu'au bout aussi. Là, ça fait que c'était, eux autres aussi ont été très tardivement dans les quatre premiers. Donc, ça, c'est un excellent bowl. Mais moi, je veux dire, le meilleur match que j'ai vu de bowl à date, je ne les ai pas tous vus parce qu'il y en a tellement, mais 40, dans ceux que j'ai... Trop de bowl. Ah non, il y en a énormément. Mais couper ça. Moi, ce que... C'est sûr qu'à quelque part, on a des commanditaires, puis s'ils sont là, c'est parce qu'ils s'est payé, puis c'est tout, là. Mais il me semble que quand j'ai commencé à regarder la NCAA et la NFL, il y en avait quoi, une trentaine? Pas la NFL, mais la NCAA, il y en avait une trentaine de bowls. Ouais. C'est déjà pas mal, hein? Oui. T'as déjà de la misère à trouver 60 assez bonnes équipes. Ouais. Mais je veux dire, là, c'est... Mais moi, ce que j'aime d'un bowl, là, c'est j'aime les bowls pour la même raison que j'aime le championnat junior de hockey, c'est que... Tu sais, t'as beaucoup de gars qui... Oui, puis t'as les gars, bon, là, c'est pas, tu sais que c'est pas pour l'argent, là. Mais moi, ce que j'aime le plus, là, c'est souvent dans les petits bowls de la première semaine, on a une coupe de perles parce que c'est pas des gars qui vont jouer dans la NFL. Il y en a beaucoup là-dedans, c'est leur dernier match de football. Oui, certains, mais il y en a beaucoup, tu sais que c'est leur dernier match de football à vie, organisé. Ils le savent aussi. Et ça joue du gros football. Et honnêtement, le meilleur match à date de bowl, puis ça va être dur à battre, là, ça jouait du gros football. Deux bons programmes. C'est la première journée des bowls, t'as eu Coastal Carolina contre Northern Illinois. Eux qui l'année passée, qui était vraiment, c'était vraiment un coup de cœur l'année passée. Même de ça, on commence je pense, dans le top 25 en début de l'année. Ça s'est gâté par la suite, là. Oui. Ben, ils ont perdu deux matchs dans l'année, puis ils ont gagné le Sun Belt. Ils auraient pu. Ils étaient à deux défaites d'être quasiment dans les souliers de Cincinnati. T'sais, peut-être pas à ce point-là, mais ils auraient pu faire partie du top 10. Là. C'est une université qui s'en allait. Mais ils ont perdu seulement deux matchs. Ils ont gagné leur conférence qui est Sun Belt. Northern Illinois a perdu quatre matchs. Ils ont gagné le Mid-American Conference. Donc, c'est deux champions de conférence qui s'affrontaient. Deux bons programmes. Je m'attendais à ce que Coastal Carolina roule sur Northern Illinois. Mais ce que je veux dire, c'est que Norton et Lena, ils ont tellement mis leur cœur dans le match que ça a été serré jusqu'à la fin. Ça a deux styles de football bien différents. Coastal Carolina qui passe un peu plus le ballon. Norton et Lena, c'est vraiment de la course. C'était fun à voir, honnêtement. C'est un super match. Puis ceux qui veulent aller voir ça sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Là. Si ça vous tente d'écouter un beau, je ne vous dis pas le gagnant, je ne vous spoil rien. Ceux qui ont leur temps de voir vraiment un bon match de football collégial entre deux universités un peu moins connues, Coastal Carolina, Northern Illinois, c'était la terre, la date. Les Bulls sont pas mal tout récupérables sur YouTube en passant. Toutes, oui. Ceux qui veulent les voir, là, c'est facile. Ouais. Vous pitonnez, puis vous pouvez avoir le condensé du match, tout comme le match au complet. Ouais. Coastal contre Northern Illinois, je vous suggère de l'écouter au complet. Si vous aimez vraiment le football, là, c'était vraiment... un des meilleurs matchs de l'année, c'était vraiment le fun, honnêtement. Okay. Mais il y en a d'autres bons qui s'en viennent aussi. Là. On va s'en parler vendredi, les éliminatoires. On va se parler des gros bowls. On va se parler du bowl du 30 et du premier aussi. Là, on rentre dans le crunch. Là. On rentre vraiment dans le crunch des bowls. J'espère juste qu'il n'y a pas trop... Regarde, chaque année, c'est la même chose. Puis je peux comprendre. Il y a des bons joueurs qui s'en vont à la NFL, qui vont opter out du match, OK? Puis c'est compréhensible, parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Hein? C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, hein? Oui. Puis la règle non écrite, je te dirais, c'est que quand tu es en série, les équipes en playoff, c'est-à-dire Cincinnati, Alabama, Georgia, puis Michigan, personne ne va opter out. Ils vont tous jouer parce qu'ils sont en série. C'est comme un genre de deal non écrit. Les équipes qui sont dans les bowls du premier... Ça aussi, c'est des bowls, le Rose Bowl, etc. Il y en a beaucoup qui vont jouer quand même. Il y en a une couple qui vont opter out, mais la majorité vont jouer. Mais dans les autres bowls, ce qui est plate, c'est que tu sais, t'as beaucoup de joueurs comme hier. Moi, j'attendais un peu le match de Nevada pour Carson Strong. Finalement, évidemment, il a décidé de pas jouer. C'est que ça, c'est un peu dommage, tu sais, mais je comprends en même temps. Tu sais, le gars veut pas subir une blessure. Il veut se préparer pour le draft. Fait que, regarde, je comprends. Mais ça rend la saison des bowls un peu moins le fun. Ah oui, effectivement. Donc, Luc, on s'en reparle quoi, vendredi, si tu permets? On est quoi, mardi? On pourrait s'en parler vendredi pour parler des matchs à voir et ainsi de suite. Ah oui, c'est de faire une prédiction des séries, ça va être super le fun, ça, de la NCAA. On fait ça vendredi. Fait que Hugues Fauché, qui nous parlait de la NFL et de la NCAA.